Les années ont passé, Billy a grandi, ri, beaucoup pleuré, parce que la vie, c'est comme ça. Mais elle est devenue célèbre et riche, et ce soir, c'est la consécration. Et pourtant, ça ne l'enchante pas.